Oh, si c'eût été un homme, l'autre, mais cela, cela, ils s'en étaient enchaînés par leur infamie même. Ils restaient là, anéantis, bouleversés, comme s'ils eût découvert tout à coup un cadavre cher et mutilé, un crime contre nature, monstrueux, une immonde profanation. Alors, dans un éclair de pensée involontaire, il songea au petit poisson dont il avait vu arracher les entrailles. Mais Madeleine murmura, « Pauline, du même ton passionné qu'elle disait, Paul !» Il fut traversé d'une telle douleur qu'il s'enfuit de toutes ses forces. Il heurta deux arbres, tomba sur une racine, repartit et se trouva soudain devant le fleuve, devant le bras rapide et éclairé par la lune. Le courant torrentueux faisait de grands tourbillons où se jouait la lumière. La berge haute dominait l'eau comme une falaise, laissant à son pied une large bande obscure où les remous s'entendaient dans l'ombre. Sur l'autre rive, les maisons de campagne de Croissy s'étageaient en pleine clarté. Paul vit tout cela comme dans un songe, comme à travers un souvenir. Il ne songeait à rien, ne comprenait rien, et toutes les choses, son existence même, lui apparaissaient vaguement, lointaines, oubliées, finies. Le fleuve était là. Comprit-il ce qu'il faisait? Voulait-il mourir? Il était fou. Il se retourna cependant vers l'île, vers elle, et dans l'alcame de la nuit, où dansaient toujours les refrains affaiblis obstinés du bastringue, il lança, d'une voix désespérée, suraiguë, surhumaine, un effroyable cri. « Madeleine !» Son appel déchirant traversa le large silence du ciel, couru par tout l'horizon. Puis, d'un bond formidable, d'un bond de bête, il sauta dans la rivière. L'eau jaillit, se referma, et de la place où il avait disparu, une succession de grands cercles partit, élargissant jusqu'à l'autre berge leurs ondulations brillantes. Les deux femmes avaient entendu. Madeleine s'adressa. « C'est Paul !» Un soupçon surgit en son âme. « Il s'est noyé !» dit-elle, et elle s'élança vers la rive où la grosse Pauline la rejoignit.